bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, bienvenue au Lobster 114. Bienvenue au Lobster. Variant Omicron 114.0. Bon, on reprend ça. Allô, bienvenue au Lobster. Variant Omicron 114.0. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, même si je suis plus vieux d'un an. Et oui, 48 ans. C'était ma fête. J'ai eu une belle fête le 5 décembre. Je suis allé manger au resto avec mon entourage. Plus précisément chez Zento, le meilleur restaurant sur l'île Perrot où j'habite. Et deux jours plus tard, c'était la fête de mon plus vieux garçon, 17 ans. Et là, on est allé manger au Keg, un genre de steakhouse un peu luxueux. C'était encore meilleur. Donc, deux belles sorties festives pour nos fêtes. Et ça, ça mérite un peu de musique pour débuter. Je vous présente mon coup de cœur musical et qui devient ma chanson de fête. On écoute! Bon, ça démarre bien ce variant du Lobster, c'était la chanson Don't One Hide du groupe Aqualec. Maintenant, avant de démarrer complètement, il faut reparler de laine un peu. Oui, un sujet important, j'ai parlé dans ma critique sur la série La Roue du Temps que ça m'avait dérangé que le héros livre de la laine alors que dans les livres, c'était de la bière. Mais là, en continuant la lecture, je suis rendu au livre 3 en français, j'ai retrouvé l'explication à la laine. À un moment donné, le héros, pour une raison X, va rencontrer la fille de la reine. On va voir ça plus loin dans la série et quand il lui dit qu'il vient des deux rivières, elle va lui dire qu'elle connaît ça. Enfin, elle a eu des cours là-dessus, car vu que c'est la fille de la reine, si elle dirige un jour, elle doit tout savoir des régions qui composent son royaume. Et c'est là qu'elle lui dit qu'elle sait que les gens de Deux-Rivières sont les premiers producteurs de laine. Donc, l'histoire de la laine, ça venait de là. Dans le livre, il livre pas de la laine, mais dans la série, oui, puisque cette région est supposément la meilleure pour ça. Donc voilà, détail expliqué. Vire la laine, vire la laine de mes moutons dont belle, cousée mitaine, cousée mitaine, fort de belle capitaine, dévidez quenouilles et quenouillettes, allumez chandelettes, pistaillez frelocs et bandelettes, biscottes des amourettes. Sinon, je suis rendu à écouter l'épisode 7, j'ai vu de 1 à 6, et là, ils inversent plein de choses, mais j'ai arrêté de m'en faire, je profite maintenant pleinement de la série sans m'attarder aux petits détails, même si pour la laine, ça va gosser un peu. Bon, cette semaine, dans Lobster, on répond à une question que je me pose souvent, comment sont calculées les cotes d'écoute télé ou radio? Et suite à mes lectures, je peux vous dire que c'est différent d'un pays à l'autre, la façon dont c'est calculé. Donc cette semaine, si vous restez avec nous, on va démystifier ça pour le Québec et la France, car au Québec, la méthode vient tout juste d'être améliorée. C'est intéressant de faire le point, car il me semble que j'en avais déjà parlé, mais comme ils viennent de se moderniser, je vous en reparle. Avant de vraiment débuter ce Lobster, petite nouvelle brève d'intérêt. Non, pas vraiment d'intérêt, mais plutôt comique. Le genre de nouvelle qui me fait toujours sourire. La nouvelle se titrait ainsi. Branle-bas de combat dans un hôpital anglais. En gros, un hôpital britannique a vécu cette semaine un branle-bas de combat quand un patient s'est présenté aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum. Et oui, bon. Ce qui me fait rire dans cette nouvelle, c'est ceci. C'est toujours la façon dont l'obus s'est rendu là qui est comique. Bon, on s'en doute, la personne s'amusait et c'est correct. Mais ce qu'il a raconté au secouriste, c'est ça qui fait sourire. Le patient anglais, qui lui a voulu rester anonyme, évidemment, a raconté au médecin avoir glissé et être tombé sur l'obus d'artillerie. Ben oui. À chaque fois qu'on entend ce genre de nouvelles, il me semble qu'il donne toujours ça comme défaite. Je suis tombé dessus. Il me semble que si ça m'arrivait, je dirais pas ça, je dirais simplement « ben oui, je me suis rentré solo ». Car comment ça pourrait être crédible de dire « je suis tombé là-dessus » ? Imaginez-vous un instant comment vous devez être chanceux pour que tous les petits détails que ça prend soient réunis pour que ceci arrive. Mais c'est là que je me suis demandé « et si c'était vrai après tout ?» Faisons un petit jeu ensemble. Essayons d'inventer une histoire qui rend ça crédible. Une histoire qui rend ça crédible que d'être tombé par hasard sur un obus fait qui nous rentre dans le rectum. Donc, en partant, moi je dirais, condition numéro uno, la condition impérative, il faut que tu sois le cul à l'air. Bon, pour mettre toutes les chances de ton côté que ça rentre, il me semble, il faut avoir le cul à l'air. Car si on doit ajouter du linge très mince dans notre histoire, je pense qu'on va perdre un peu en crédibilité. Donc, disons que la pièce où ça va se passer dans notre histoire, c'est un peu comme dans Clou, ça va être la chambre de bain. Donc, c'est le colonel Lobster dans la chambre de bain avec un obus dans le cul. La chambre de bain, c'est la place la plus crédible que j'ai trouvée où ça pourrait être arrivé. Voici donc ce qui m'est arrivé, pour vrai, c'est à moi-même que c'est arrivé, voici mon histoire. Vous savez quoi? La semaine passée, mercredi pour être précis, il était 16h et il faisait plutôt frisquet dans mon appartement. Et j'avais décidé pour me réchauffer d'aller prendre une douche. Je prends ma douche au moins une fois par jour, deux fois plus. Puis comme d'habitude, quand je prends ma douche, j'avais installé l'obus pour tenir la porte de la chambre de bain. Hein, quoi l'obus? Ah, eh bien, sachez que l'obus qui retient la porte de ma chambre de bain, c'est un objet qui est dans notre famille depuis des années. Mon arrière-grand-père, adjutant Lavoie, était allé à la guerre et avait ramené ça en souvenir. Et c'est moi qui en ai hérité à la mort de son fils qui lui l'avait gardé. La famille avait dit à l'enterrement « Ton grand-père te met bien. On est sûr qu'il aurait voulu que l'obus aille à toi. Tu vas sûrement savoir quoi faire avec. » À ce moment de l'histoire, vers 16h12 environ, l'obus, comme d'habitude, servait à retenir la porte de la chambre de bain qui a tendance à se refermer tout seul. Et oui, l'appart où j'habite, c'est dans un vieux bâtiment des années tranquilles. C'est un peu tout croche, puis c'est penché. Puis par-dessus le marché, il n'y a pas de ventilation dans la salle de bain. Donc, j'aime bien garder la porte ouverte pour que la buée ne reste pas dans les miroirs. Car sinon, je vois rien quand je sors de la douche et quand j'arrive pour me mettre mes soins du visage, je ne vois rien. Donc, c'est ça qui explique que l'obus est là, prêt à pénétrer notre histoire au moment opportun. Bon, là, il faut aussi spécifier, c'est important pour mon histoire, qu'à cause de la pandémie, j'ai perdu ma job. Et oui, ça faisait déjà 2 ans que je me préparais pour ça, ouvrir un petit café au complexe Desjardins. Avec tout le monde qu'il y a dans cette tour à bureau, je m'étais dit, ça va marcher, c'est sûr, un petit café où je voulais vendre du thé aux perles et des pogos coréens. Et c'est le 12 mars 2020 que j'ai ouvert. J'y croyais pas. Ça marchait fort. Les ventes étaient le triple de ce que j'avais prévu pour cette journée-là. Je me voyais déjà millionnaire. Mais le lendemain, quand le premier ministre Legault a annoncé qu'on était en pandémie et que c'était obligatoire de faire du télétravail, le complexe Desjardins s'est vidé. Et là, quasiment 2 ans plus tard, avec la tour qui est toujours quasiment vide, vous vous imaginez bien que j'ai fait faillite. Et oui, donc je suis en recherche d'emploi et j'attends un appel super important. J'ai donné mon nom pour travailler comme tatoueur animalier. Ben oui, pendant la pandémie, j'ai suivi un cours sur Internet de la prestigieuse Université du Savoir de Berg en Sauge. J'ai obtenu, sans trop de difficultés, un diplôme de tatoueur animalier que j'ai moi-même imprimé sur mon imprimante Canon. Bon, ils auraient pu me l'envoyer eux-mêmes, mais il fallait que je paye 29,99 de plus. Donc, j'ai laissé faire, j'ai juste payé les frais du cours, 125$, lu le PDF pour être tatoueur et j'ai imprimé mon diplôme. Et là, je suis bien, dans la douche, enfin réchauffé. La musique est bonne. Elle joue juste dans ma tête, mais c'est normal, avec la faillite, la dépression qui a suivi, les médicaments, j'ai les gélules un peu mélangées. Mais la musique que j'imagine dans ma tête est bonne. Hey, je vous ai pas dit, la semaine passée, je m'étais acheté un gratteux. Un billet de Loto-Québec, ça coûte 5$, c'est un gratte-tout fourre-tout. T'as une chance sur 3.2 de remporter un lot. Et le gros lot est de 50 000, ce qui serait vraiment super le fun de gagner. Là, avec la faillite, je suis pas riche-riche, mais avec la PCU du gouvernement, j'ai quand même pu m'en mettre un peu de côté. Eh ben, avec mon gratteux fourre-tout, j'ai pogné 3 têtes de lapin sur mon gratteux. Et j'ai donc, par le fin même, gagné 100$. Wouhou! Et j'ai décidé de tout dépenser chez Bubble & Bath lors du Black Friday. J'ai des savons pour le corps qui sentent fraîchement bon. Et ça fait sûrement 10 minutes que je me savonne avec celui-ci dans la douche. C'est un savon vert à l'odeur d'eucalyptus et de tigre du zoo de Granby pour ceux qui connaissent la marque. Et comme l'odeur de ce savon a aidé de mes médicaments à me rendre un peu euphorique, je me savonne comme un déchaîné sur le beat qui joue dans ma tête. Et oui, vous vous en doutez, dans cette histoire, le savon, avec ses propriétés savonneuses et glissantes, joue un rôle très important. Et au moment euphorique où j'ai l'air du bibadum chamallow et que j'ai 2 pouces de savon sur tout le corps, et je précise ici 2 pouces de savon dans tous les recoins, j'entends... Et oui, ça sonne. Et moi, j'ai jamais d'appel. Non, mes amis me téléphonent plus depuis que je les ai invités à faire le party dans ma tête. Donc, tout ça pour dire que personne m'appelle depuis quelques mois. Donc, cet appel, c'est sûrement Ginger qui essaie de me rejoindre pour me dire si elle me prend, oui ou non, comme tatoueur animalier. Ginger, ça c'est la tatoueuse à qui j'ai parlé de mon projet de tatouer des animaux. Elle n'a pas trouvé mon idée trop folle. Et comme elle aussi entend de la musique dans sa tête, on s'est tout de suite bien entendu. Et elle m'a dit qu'elle penserait à ça, qu'elle me rappellerait si je pouvais avoir une place dans son salon de tatouage Ginger Tattoo. On a même discuté que si ça marchait, qu'au début, si j'avais pas beaucoup de clients, je pourrais même offrir de percer les oreilles des animaux. C'est pas compliqué, pareil, elle me montrerait. Bref, donc, c'est en toute vitesse que je sors de la douche. C'est l'appel d'une vie, je veux pas le manquer. Je me dirige donc vers ma chambre à coucher, juste en face de la chambre de bain. C'est là que j'ai laissé mon téléphone. Mais oups, mes pieds mouillés, des tuiles en vinyle qui recouvrent le sol de la chambre de bain. Le mélange des deux donne une belle patinoire glissante. Et paf, les deux pieds me partent. Et c'est là que par une malheureuse inadvertance, un alignement des planètes incroyable, comme une éclipse de lune qui arrive juste toutes les 1402 ans, mon postérieur, qui on se rappellera est très savonneux, se retrouve aligné directement avec l'obus qui retient la porte. Obus, qu'il est temps de préciser, fait 7 pouces de long et 3 pouces de circonférence. Ce qui, je dois le dire, n'est pas tout à fait en concordance géométrique si je compare avec les dimensions de mon rectum. Mais bon, Heureusement, j'ai l'arrêt bien savonné à l'eucalyptus et l'enlignement miraculeux aidant, je tombe sur l'obus avec l'angle parfait et l'obus disparaît à l'intérieur de mon intimité qui jusque-là, je vais le préciser, était encore immaculée et inviolée. Voilà, le reste vous le connaissez, je me suis rendu à l'hôpital. Comme j'ai plus d'auto à cause de la faillite, j'ai pris l'autobus, la ligne 142. Et non, pour ceux qui se le demandent, je me suis pas assis dans l'autobus. Je suis resté debout tout le long du trajet, car veux pas, j'avais une légère irritation et pas le goût d'empirer les choses. Arrivé à l'hôpital, sur place, l'infirmière au triage, une prénommée Jacinthe d'après son tag, a souri quand je lui ai raconté que j'avais un obus dans le rectum. Je sais pas trop si c'est un sourire de compassion ou d'émerveillement. On n'arrête pas de les appeler nos petits anges depuis le début de la pandémie. Eh bien, je suis quand même fier d'avoir apporté un peu de joie dans le cœur de Jacinthe. C'est sûr, je ne suis pas trop entré trop dans les détails quand elle m'a demandé comment c'était arrivé. Je lui ai fait la version courte et je lui ai simplement dit que j'étais tombé dessus. Mais dans la situation, je trouve qu'elle est restée quand même très professionnelle. Car comme elle riait pas mal fort et qu'avec le masque anti-COVID, c'était pas évident pour elle, eh bien, elle s'est levée et est allée rire dans une autre pièce. Et bon, elle n'est pas revenue. Comme elle riait trop, c'est un autre collègue souriante qui est venu prendre sa place, à qui j'ai dû répéter mon histoire. Pour le reste, le retrait a bien été. Le médecin, lui, il riait pas trop quand il est rentré dans la salle d'opération pour me le retirer. Voilà, c'est ça mon histoire avec l'obus dans le cul. Après cet exercice que je viens de faire avec vous, d'inventer une histoire semi-crédible, je crois qu'on peut conclure que c'est quand même possible que ça arrive, mais c'est peu probable. Pour en venir à la vraie nouvelle, il disait qu'il avait eu un branle-bas de combat à l'hôpital, car il ne savait pas si l'obus avait encore sa charge explosive, donc c'est le service de déminage qui a été appelé, mais ils ont précisé qu'à leur arrivée, le médecin avait quand même déjà retiré l'objet de la personne. Et non, en bout de compte, l'obus n'était pas chargé. C'est un souvenir que la personne gardait simplement chez elle. Pour le fun, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé un article qui parle des objets insolites retirés de différents rectums par les médecins. Avec radiographie à l'appui, les plus inusités sont une ampoule, une poupée, une cassette audio, l'embout d'un batteur électrique, une rallonge électrique, un téléphone et finalement, Buzz Lightyear. Et oui, Buzz Lightyear. Et bien sûr, on sait tous ce que Buzz a dit au moment de l'insertion. Vers l'infini et plus loin encore. Voilà, pour ceux intéressés par le sujet, qui veulent approfondir le tout, sachez qu'il y a un livre là-dessus en vente sur Amazon qui se nomme Stock Up, sans objets insérés et ingérés dans des places qu'ils ne devraient pas être. Là-dessus, on part en musique sur des recommandations de chansons de mon frère et au retour, on éclaircit le mystère des cotes d'écoute. Bon lobster! it. And if you feel like your body's giving up, you gotta kill the pain and your ball back harder. When if you feel like the pain is getting real, and making you look old, to fucking kill the bitch. To fucking kill the bitch. C'est le temps de mon sujet principal dans ce Lobster variant Omicron 114. Le sujet, les obus dans le rectum, une pratique courante ou un jeu farfelu? On en parle avec notre invité Claire Lamarche qui va lancer un appel à tous en direct à la télé pour retrouver des gens pas fiables à qui c'est arrivé. pas. C'est que souvent, quand on attire le même genre de personnes, finalement... On commence par aimer ça, tu sais. C'est comme tout, c'est comme, tu sais, si t'aimes les tarcelles, tu vas tester des tarcelles, à un moment donné, tu vas être content de ta tarcelle. Ben non. Le sujet drôle est terminé, là c'est plate, on parle de code d'écoute. C'est tout récent, un article du 10 novembre 2021 sur le site de La Presse. Le nom de l'article, je vous le donne, des fois que certains voudraient aller le lire pour avoir tous les détails, c'est titré « Enfin, des codes d'écoute plus modernes ». Donc, au Québec, c'est simple, les codes d'écoute sont calculés par un organisme qui se nomme Numeris. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment cette firme arrive à déterminer avec précision que 1 134 000 accros ont vu l'excellente compétition Révolution dimanche soir à TVA. C'est à la fois simple et complexe, donc allons-y doucement. D'abord, Numeris prête à 1375 foyers partout au Québec de petits appareils portables de la grosseur d'une pagette que les cobayes portent sur eux en tout temps, sauf pour dormir évidemment et sauf pour se savonner le postérieur. Et ces bidules électroniques captent automatiquement les signaux des émissions que la personne consomme à la télé dite traditionnelle. Et tout ça, en fin de soirée, les appareils transmettent finalement les données recueillies au serveur de Numeris qui les compile. Donc pour être clair, il semble que chaque émission a un code que nous on n'entend pas, mais l'appareil le détecte et ça lui permet de comptabiliser que la personne l'écoute. Je dirais que c'est un peu comme faire un Shazam d'une émission. Ensuite, à l'aide de différentes méthodes de pondération et de projection statistique, bon, on rentrons pas trop dans les détails, Numeris transpose ensuite les résultats fournis par son échantillon sur l'ensemble de la population francophone du Québec, et c'est ça qui débouche sur une cote d'écoute, celle mesurée en direct, l'équivalent d'un gros sondage, pour résumer de façon très succincte. Et savez-vous quoi? Eh bien, moi, j'ai déjà été appelé pour porter ce bidule, et oui! Et je leur avais malheureusement répondu de faire comme avec l'obus. Ça ne m'intéresse pas d'être suivi et de porter ce bidule. Et tout ça pour combien, pensez-vous? Eh bien, ils m'offraient un beau 20$ par mois. Que de troubles pour pas grand-chose, surtout que les codes d'écoute, je m'en fous pas mal. Maintenant, petite parenthèse, dans l'article, ils disent « Ne contactez pas Numeris pour intégrer ce panel exclusif, ça ne fonctionnera pas. Le processus de sélection se fait au hasard en pigeant dans la liste électorale et en respectant des critères précis sur l'âge, le sexe et le lieu de résidence des participants. » Pour l'électeur qui pose la question, non, il n'existe aucune façon de mousser la cote d'écoute de votre émission préférée. Seuls les téléspectateurs affiliés à Numeris disposent de ce pouvoir, donc ces gens avec des petites pagettes, et ils sont peu nombreux, autour de 3000 personnes, et Numeris ne dévoile jamais leur identité pour éviter les interférences. Bon, ce qui est maintenant nouveau et qu'on apprend dans l'article, c'est que ce processus n'était pas parfait. Le bidule n'y arrive pas à calculer ce qu'on écoute en ligne, comme Netflix, Amazon, YouTube, car ses fournisseurs ne dévoilent pas les genres de codes pour identifier leur émission. Donc, un deuxième panel constitué de 1025 foyers a été formé pour évaluer les habitudes en ligne des téléspectateurs. C'est ça qui est nouveau. Les premières données récoltées, qui couvriront les mois d'août et de septembre, sortiront le 24 novembre. Le but, c'est de tout mesurer ce que les gens voient. Donc, les membres du deuxième panel n'y accrochent rien sur eux, n'y accrochent rien à leur ceinture comme dans le premier groupe. Non, c'est dans leur routeur à la maison que Numeris vient brancher un compteur qui détecte les contenus qu'ils regardent en ligne, que ce soit sur TouTV, CubeCA, TVA+, Twitch, Télé-Québec TV, YouTube ou Nouveau.ca. Les clips, les courtes entrevues, les web-séries, les vidéos virales, les extraits, Numeris emmagasinera tout ce qu'on écoute. Pour le moment, les données amassées par le panel numérique ne s'additionneront pas au code d'écoute traditionnel, question de donner un chiffre plus représentatif de la portée réelle d'une émission. Ils disent une étape à la fois, la fusion de ces deux univers est prévue pour 2023. Puis ils disent aussi dans l'article de ne pas oublier que la cote d'écoute, c'est très important parce que c'est ça qui sert à fixer les tarifs publicitaires. Comme il n'y a pas de réclame sur de nombreuses plateformes numériques, un annonceur ne gagne rien si, par exemple, une émission a explosé en rattrapage sur l'extra de TouTV. C'est bête comme ça. Par contre, cette nouvelle mesure de Numéris va permettre à Radio-Canada, TVA, Bell Media ou Télé-Québec de connaître le véritable rayonnement des productions qu'ils mettent en ondes et sur Internet. À l'heure actuelle, ils disent que c'est le bordel dans l'évaluation des clics ou des branchements. Personne n'emploie la même méthode pour estimer le trafic provenant de l'Internet. On dit donc que cet ajout de Numéris va doter l'industrie audiovisuelle d'un outil commun et comparable d'une plateforme à l'autre, ce qui, paraît-il, est une très bonne chose. Maintenant, parlons de Netflix, Disney+, Amazon ou Apple TV qui ne souscrivent pas à Numéris, contrairement aux grandes chaînes québécoises. Bon, ces entreprises américaines dévoilent au compte-gouttes et quand ça leur tente le palmarès de leur émission qui cartonne. Résultat, c'est à peu près impossible d'apposer une cote d'écoute régulière sur des émissions de ces fournisseurs. On dit « Numéris quantifiera la pénétration de ces géants télévisuels au Québec sans toutefois évaluer les émissions de manière individuelle. » Pourquoi? Ben, comme je vous le disais tantôt, parce qu'Amazon, Apple, nanana, refusent de fournir à Numéris les codes électroniques qui permettent d'identifier le titre des téléséries. Il faut le dire, les habitudes d'écoute de dizaines de millions de clients, c'est une petite mine d'or pour eux à exploiter. Comment pensez-vous que Netflix fabrique son algorithme qui cible vos goûts avec autant d'acuité? Eh bien, c'est en décortiquant toutes ces informations que nous leur refilons gratuitement. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça que les codes d'écoute sont mesurés au Québec. Je vais aller voir sur le site de Numéris, c'est le premier résultat pour les écoutes en ligne est disponible. Il disait que ça devait sortir le 24 novembre. Cherchons un peu. Bon, j'ai cherché. C'est sûrement disponible, mais pas pour moi, parce que c'est pas gratuit. Bon, j'ai pas le budget pour ça, malgré que je suis sûr que le Lobster est probablement en haut du classement pour le nombre d'écoutes dans les foyers québécois, avec des histoires d'obus comme je raconte, c'est sûr qu'on est numéro 1. Mais bon, je peux pas voir les résultats. Maintenant, parlons un peu de nos amis français. Je m'intéresse toujours à nos cousins de la France. J'ai donc regardé, eux, comment ils mesurent l'auditoire. J'ai trouvé un article qui date de 2020, le 12 octobre, qui m'explique le tout. Et ça commence direct comme ça. 126 000, c'est le nombre d'interviews réalisées chaque année pour mesurer la popularité des stations. Tous les jours, entre 17h30 et 21h30, l'Institut Médiatrie interroge par téléphone 400 personnes. Les sondés, âgés d'au moins 13 ans et tirés au sort dans l'annuaire, doivent donner le nom de la radio, l'heure et la durée d'écoute, ainsi que le type de support utilisé. Est-ce que c'est via un poste traditionnel, le téléphone ou un ordinateur? Les résultats de l'enquête tombent ensuite par vagues, 4 fois par année. Lors des derniers résultats concernant la période estivale et publiés en septembre 2020, France Inter restait la première radio de France avec 5,54 millions d'auditeurs. Seconde position, RTL, puis France Info et Énergie, première radio musicale du classement. Donc, pour la portion radio de nos amis français, ça semble se faire par sondage, même si la méthode semble un peu vieillotte, le résultat est le même. Avec ça, ils arrivent à avoir une idée de ce que les gens écoutent. Moi, la seule chose que je crois pas dans tout ça, c'est quand ils nous sortent des chiffres de cote d'écoute astronomiques. Exemple, en 95 au Québec, Numéris nous avait annoncé que l'épisode « La petite vie, Régent reçoit » avait attiré 4,4 millions de téléspectateurs. Oui, beaucoup de gens ont écouté La Petite Vie, mais je pense pas qu'un panel de 3000 personnes te permette de déduire que des millions de gens ont fait comme eux. Moi, je reste sceptique là-dessus, et pour preuve, quand ils font des sondages, ils nous disent qui va gagner les élections, puis qu'ils font leurs prédictions ou autre chose, ben, ils se trompent une fois sur deux. Donc oui, je crois que ce genre de méthode de calcul et d'estimation est très valide, et que ça doit donner une très bonne idée de ce qui est le plus écouté, mais pour la précision, mon avis est que c'est pas plus précis que quand je fais des recettes et que mon dessert ressemble pas vraiment au dessin que il y avait sur le dessus de la boîte. Je pense que c'est le même genre de précision. Bon, on repart en musique. Pour partir en musique, du tout nouveau, tout beau de Sabaton. Le vidéo est sur YouTube depuis le 29 octobre 2021. C'est la chanson Christmas Truce, Trêve de Noël. 24 décembre 1914, tard la veille de Noël, le corps expéditionnaire britannique a entendu les troupes allemandes dans les tranchées en face d'eux chanter des chants de Noël et a vu des lanternes et des petits sapins le long de leurs tranchées. Des messages ont commencé à être criés entre les tranchées. Le lendemain, des soldats britanniques et allemands se sont rencontrés dans le No Man's Land et ont échangé des cadeaux, pris des photos et certains ont même joué au football. Ce fut un moment rare mais magique de paix et d'harmonie au milieu de l'un des événements les plus atroces du 20e siècle. On l'écoute donc, Trêve de Noël de Sabaton. We sing a holy night. Our guns lay to rest on Bon, mon dernier sujet, la tradition de ciné-cadeau. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une tradition. C'est complètement dans mon range d'âge et sûrement aussi pour plusieurs d'entre vous. La tradition de ciné-cadeau débute quand même en 1981 selon Internet. Le 20 décembre 1981, pour être plus précis, Radio-Québec diffuse Le paquet qui parle, un film d'animation britannique suivant une jeune fille dans un monde magique. C'est le début d'une tradition qui perdure encore. Au départ, les films ils disent qu'ils étaient souvent audacieux comme Le roi et l'oiseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est un film que j'ai sûrement, moi, écouté 3 ou 4 fois. Le roi Charles V est 3 fois 8 et 8 font 16 règne en tyran sur le royaume de Tachycardie. Seul un oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de sa majesté, ose le déranger. Le roi est amoureux d'une charmante et modeste bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur. Tous deux s'enfuient pour échapper au roi et réfugiés au sommet de la plus haute tour du palais, sauve un petit oiseau imprudent pris à l'un des pièges du tyran. Le père oiseau, reconnaissant, promet en retour de les aider. La police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s'engage, des machines volantes conduites par des policiers mustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le roi sur son trône électrique flottant ou sur son gigantesque automate les pourchasse. On écoute un extrait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 de Tachycardie. C'était beau comme film. Et à cette époque, ça finissait pas toujours bien. Non, c'était plutôt réaliste. Je me souviens pas précisément si ce film finit bien, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à maintenant, c'était pas rare qu'un des films qu'on nous passait à la télé, un film pour enfants, finisse pas nécessairement bien et que je sois triste à la fin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on dit de ciné-cadeau? Chaque année, le succès est au rendez-vous, atteignant même des auditoires dignes d'un téléroman à Radio-Canada ou à TVA pour des films cultes comme Les 12 travaux d'Astérix. Ah oui, Les 12 travaux d'Astérix, ça c'est un classique. En fait, tous les films d'Astérix qu'on pouvait voir à Ciné-Cadeau faisaient plaisir. Laissez-les-moi! Laissez-les-moi! Du calme, Obélix! Laisse parler notre chef! Allez, chef de village! Salut, Jules. Que viens-tu faire ici? Je viens te faire une proposition. La résistance que tu me poses porte ombrage à ma gloire. À Rome, on commence à se moquer de moi. On dit qu'une poignée de fous suffit à tenir en échec mes légions. Mais sois poli, hein, partout tatis, parce que sinon... Mais d'autres disent que vous êtes des dieux. Des dieux? Des dieux? Des dieux? Des dieux? Des dieux! Si tel est le cas, je m'avouerai vaincu. Mais si vous n'êtes que des hommes, ce sera à vous de vous incliner devant ma puissance et de subir ma loi. Et comment veux-tu que nous te prouvions que mes copains et moi, nous sommes des dieux? Avez-vous entendu parler d'Hercule? Hercule Minus, le marchand d'enfants? Non. Le dieu Hercule. Il réalisa 12 travaux qui lui valurent d'être admis dans l'Olympe, les dieux le reconnaissant pour un des leurs. 12 travaux? Quels travaux? Il a étouffé le lion de Némée, tué l'hydre de Lerne, pris vivant le sanglier d'Érimante, atteint à la course la biche au pied des reins, tué à coups de flèche les oiseaux du lac Stymphale, dompté le taureau de l'île de Crète, tué Diomède, vaincu les Amazones, nettoyé les écuries d'Augias, tué Gérion, enlevé les pommes d'or du jardin des Hespérides et délivré Thésée des enfers. Et pour prouver que nous sommes des dieux, Tu veux que nous fassions toutes ces bêtises? Pas exactement, tout ça est un peu démodé. Je vous ai préparé, avec l'aide de mes conseillers, une nouvelle série d'épreuves. Ciné-Cadeau est né à une époque où les films coûtaient cher à acheter ou à louer sur VHS. Et c'est devenu une tradition de Noël parfaite, les parents regardant des films avec leurs enfants, souvent des films qu'ils eux-mêmes avaient vus quand ils étaient enfants. Au départ, les films diffusés à Ciné-Cadeau étaient moins commerciaux. Il y avait des films d'Europe de l'Est et d'Asie. Dans le film chinois Le Prince Neza, Triomphe du Roi Dragon, il y a même une scène de suicide. On se demande si les programmateurs l'avaient vu. Ce que je retiens maintenant, moi, de cette tradition, c'est que le temps des fêtes n'est jamais vraiment commencé tant que Ciné-Cadeau n'est pas débarqué à la télévision. Et maintenant, je peux vous dire que c'est commencé, ça a débuté le 11 décembre, la programmation jeunesse prend l'antenne 3 fois par jour à Télé-Québec, à 9h, 15h30 et 18h30, et ça jusqu'au 12 janvier. Tous nos classiques y sont, ils disent qu'il y a La Guerre des Tuques, Astérix et Cléopâtre, Bac et Bottine, Madagascar, Tintin et Le Temple du Soleil. Avec une 50aine de films d'animation au programme, voilà de belles occasions de rester en pyjama et de se coller sous la couette toute la journée. Puis là, ils écrivent aussi que le soir du 25, c'est au public de choisir quel film sera au menu. Ils ont fait un concours qui est en ligne qui permet de voter jusqu'au 15 décembre. Moi, si je regarde l'horaire, les films qui me rappellent les plus beaux souvenirs sont évidemment les Astérix, les Lucky Luke, les Tintins et la flûte à Schtroumpf, que j'ai d'ailleurs réécouté il y a environ un mois comme un vrai bébé. Bon, là-dessus, je vous laisse prévoir votre horaire des fêtes, écouter plein de films qui vous font du bien. Sur ce, bonne fin de Lobster 114.0. Bye bye! I'm sorry. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, je vais vous le dire. On a reçu du courrier. Eh ben? Blablabla. Nous nous étonnons de ne pas avoir reçu de confirmation quant à la présence du grand druide Merlin, bon bref, enchanteur de Camelot, au grand rassemblement du corbeau qui se déroulera à la lune descendante, et tatati, etc. Ils ont pas reçu de confirmation parce que j'en ai pas envoyé. Comment se fait-il? Mais parce que j'y vais pas. Et avec un coup de pied dans votre cul pour vous donner de l'élan, vous y allez? M'en fous, j'irai pas. Vous êtes le seul druide de tout le territoire breton à pas y aller. Vous allez nous faire passer pour quoi? Je vais nous faire passer pour quoi si j'y vais, vu que je vais tout foirer? Tout foirer? Bah pourquoi? C'est pourtant pas votre genre. À vous, quand on aura besoin de savoir le temps qu'il fait, hein. Écoutez, les dernières, vous y êtes pas allé, j'ai rien dit. Alors cette fois, vous allez faire un effort. Mais il faut improviser des blagues au rassemblement du corbeau. On a fait l'essai la dernière fois, vous l'avez bien vu comme moi, je suis une bille en blague. Vous êtes une bille en tout. Vous avez pas du boulot, vous? Non, j'ai fini. Bon, vous pouvez pas vous faire une potion, je sais pas, quelque chose? Une potion pour improviser des blagues. En tout cas, moi j'ai pas la formule. Bon bah et vous là, puisque vous avez du temps libre, vous avez pas quelque chose en stock pour aider? Croyez bien que si j'avais, je le dirais pas. Parce que voir celui-là passer pour un conneau devant tous les druides du continent, j'aime autant vous dire que je risque pas de louper ça. Je vais même amener des copains. Ah mais vous pouvez amener qui vous voulez. Moi j'y vais pas. Bon. On s'installe dans votre camp fouine et on s'entraîne. Ah non, sire. Il n'y a pas de sire. Vous vous pointez et puis c'est tout. Il a dit moi, il a pas dit vous. Bah, je sais bien, mais c'est l'inconvénient de faire labo commun. À chaque fois que vous vous ramassez, je suis aux premières loges. Et sans s'en rendre compte, il marche sur le pied du dragon. Alors le dragon, il fait « Dis donc !» Et... Une seconde, ça vient pas comme ça. Donc, gna gna gna, il marche sur le pied du dragon. La patte. Oui, bon. Alors, il marche sur la patte du dragon, et le dragon, il fait « Dis donc, tu manques pas de toupet !» Bon, bah, vous pourriez faire un effort aussi. Hein. Vous êtes vraiment pas bon public. Hein. Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Alors que si le dragon marche sur le pied du gars, c'est le gars qui fait « Vous manquez pas de souffle !» Voilà. Et si? Bah non, mais il n'y a pas de quoi se mettre des claques sur les jambes, je suis d'accord. Enfin, quand même, il y a un début de quelque chose, il y a un sens, il y a un truc... Si, le souffle du dragon. Vous trouvez ça marrant, vous? Ah, marrant, ça peut faire sourire, c'est déjà ça. Non, mais j'admets, ça vaut pas le coup du dragon qui dit « Tu manques pas de toupet !» Mais occupez-vous de vos fesses et laissez-moi m'entraîner tranquille. Bon, allez, une autre. Oui, qu'on se marre un peu. Donc, c'est l'histoire d'un Calédonien. Non. Quoi, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, parce que non, vous savez pas où vous allez avec votre Calédonien, ça se voit. Vous ne prenez pas pour des touristes. Mais je rebondis après. Allez-y. Donc, c'est un Calédonien qui rencontre un chef saxon sur un sentier. Ah, mais je la connais. C'est pas celle-là où le saxon, il dit, dis donc, tu manques pas de toupet? Attendez, j'en ai une à défriser un mouton. Non mais là, moi, ça va, merci, j'ai ma dose. Mais elle est super. Eh ben, gardez-la pour le rassemblement du corbeau. Bon, bah, je vous la fais quand même. C'est un type, il arrive au château. Quel château? Bah, celui-là. Bon, il arrive et les gardes veulent pas laisser rentrer. Alors le type, il se met à gueuler. Eh ben, Camelot, on peut dire que ça porte bien son nom. Bah si, pour dire que c'est de la Camelot. Mais elle est mortelle. Vous voulez pas la noter, celle-là, pour pas l'oublier? Et celle-là, vous voulez la noter? C'était bien la cérémonie ce matin. Comment ça s'appelle déjà le... Un adoubement. Ah ouais, voilà. Le petit jeune, il était pas bien rassuré quand même avec tout ce monde. Remarquez, je dis ça. Moi, je sais pas comment j'aurais réagi. Ah non, sans déconner, vous allez pas recommencer. Vous avez forcément été adoubé. Sans ça, vous pourriez pas être à la table ronde. Mais j'arrête pas de le dire. Je peux pas être à la table ronde. De toute façon, l'autre fois, je vous ai re-adoubé. Au cas où. Alors, t'es pas me gonfler. Vous m'avez adoubé vite fait, y avait personne. Ça compte pas, ça. Mais attendez, je suis qui, moi, ici? Le portier? Si je vous dis que je vous adoube, qu'il y ait du monde ou pas, ça compte, crétin. Même s'il y a personne? Mais évidemment. Du coup, vous pourriez pas le refaire, là? Non, parce que j'aime bien. Il avait drôlement bien appris son poème, le petit. C'est pas un poème. Ah bon? C'est quoi? C'est pas un poème. C'est un texte de cérémonie, ça fait partie du rituel. Ah ouais, mais il avait appris par cœur, quand même, hein? Ah bah oui, ça oui. Bah moi je dis chapeau, hein. Heureusement que j'ai jamais été adoubé, j'aurais jamais pu retenir tout ça. Et c'est quoi quand il a dit, je sais pas quoi, machin, gna gna gna, le respect à la mémoire d'Uther le dragon? Uther Pendragon. Deux? Pendragon, c'est son nom, c'est pas un dragon. Pendragon? Mais qui c'est celui-là? Mon père. Votre père? Mais on le voit jamais, votre père. Il est mort. Ah, merde. Et là, dans la semaine? Non, pas là, dans la semaine, non. Et la cérémonie ce matin, c'était pas pour ça? Je l'ai jamais connu, mon père. Ah bon? Et comment vous savez qu'il s'appelle Pendragon, alors? Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je me fous en run, je vous fais descendre les escaliers, coup de pompe dans le cul, je fais quoi? Non, mais m'engueulez pas, j'essaye de piger. Mais qu'est-ce que vous essayez de piger? Pendragon, c'est le plus grand roi de Bretagne. Et je croyais que c'était vous, le roi de Bretagne. C'est le personnage le plus célèbre du monde celte. Venez pas me dire que vos vieux vous ont jamais parlé de lui. Mais mes vieux, qu'est-ce qu'ils en savent de qui c'est le roi? Ça fait 40 ans qu'ils entassent des navets dans une grange. Vous pensez qu'ils ont pris le temps de m'apprendre les courbettes? Quelles courbettes? Bah, les machins de cérémonie, là. Les rois, les reines. J'ai tout compris par moi-même. Ma main sur l'épée quand vous passez devant nous. Vous le faites jamais, vous? Bah, parce que j'oublie, mais je le sais. Ou quand vous êtes en danger. Il vaut mieux mourir pour vous défendre, vous, que pour se défendre soi-même. Quoi? Quoi, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais ça, en même temps, c'est logique. Priorité à celui qui a la vie qui vaut plus. Qui a la vie qui vaut plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, sire. Vous et moi, on tombe dans une embuscade. Il vaut mieux que ce soit vous qui restiez plutôt que moi. Mais c'est quelqu'un qui vous l'a dit, ça? Bah, je sais plus, les autres. Ils disent que si vous êtes en danger, il faut sacrifier. Non. Jamais vous faites ça, m'entendez? Bah, si c'est la loi. Vous faites jamais ça! Si on tombe dans une embuscade, vous vous barrez en courant, c'est clair? C'est clair? Ok, comme vous voulez. Et le petit a dit, me ferait tuer pour mon roi sauvé. Oui, d'accord, mais ça c'est le rituel, ça. Alors il va pas le faire? Pas vraiment. Et les autres, ils le font pas non plus? Les autres, mais je m'en fous des autres. Vous, je veux pas que vous le fassiez, voilà. Et pourquoi? Parce que vous êtes pas adoubé. Voilà, vous avez pas le droit. Hop. Bah, et l'autre fois, quand vous m'avez re-adoubé? Oui, mais l'autre fois, il y avait personne, ça compte pas.